Et Dick Rivers, il y en a bien qui doit donner de la voix là maintenant pour appeler Jacques Maillot, c'est bien dit, parce que Jacques Maillot, il était indiscipliné. Et il était sur un gros coup. Comme il dit toujours, c'est un gros coup. Les grandes gueules du jour, Alain Soral, le sociologue qui revient. C'est qui les rocs, Jacques. Attends, juste, je finis. Alain Soral qui revient avec... On va rappeler la réédition du livre sur la drague. Ah oui, c'est vrai que je suis là quand même pour faire la promotion de Sociologie du dragueur qui est sorti... édition blanche en collection de poche, là, c'est vrai que je suis quand même là pour ça. Hein. Donc on rappelle ce que j'ai envie de regarder les filles qui marchent sur la plage. Oh, voilà, je salut à notre ami commun, Patrick Coutin. Toujours, Patrick Coutin, ouais. L'homme qui est ancien critique de rock, Patrick Coutin, qui a écrit J'aime regarder les filles, tube planétaire. Et qui m'a réalisé trois merveilleuses Et qui était la musique de mon film Confession d'un dragueur. Bien sûr, J'aime regarder les filles. Les gens qui l'ont vu. C'est donc, vous avez entendu Dick Rivers, Jacques Maillot vient de revenir, Olivier Truchot, c'est l'heure des coups de gueule et des coups de cœur des uns et des autres. Allez, Hans-Pierre, c'est toi qui commencera, Dick Rivers. Oh, ben, j'ai moi comme d'habitude. Vas-y. Bonnet blanc, blanc, bonnet, ben, j'ai un coup de gueule et un coup de cœur. Alors, mon coup de gueule, je commence par le coup de gueule. Vas-y. Mon coup de gueule, je trouve inadmissible qu'on retire des points sur le permis de conduire pour des gens qui ne mettent pas la ceinture de sécurité. Parce que je suis pour l'amende, parce que c'est une loi. Je suis pour tout ce qui est transigé, tu vois, les feux rouges, les lignes blanches, la vitesse, etc. Bon, c'est normal, il faut apprendre aux gens à conduire. Mais par contre, je voudrais savoir ce que la ceinture de sécurité a à voir avec la conduite. Donc je veux dire qu'on leur colle une amende parce que c'est pour sécuriser les personnes qui sont dedans, oui. Mais qu'on retire des points à des mecs, après ça fait des mecs qui conduisent sans permis. Eh oui. C'est pas faux comme raisonnement. Tu voudrais minorer, donc... Non, on ne minore pas, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la conduite. Ça n'a rien à voir avec la conduite. C'est vrai que si tu retires les points, c'est parce que l'automobiliste, tu l'as jugé dangereux dans sa conduite. Absolument. Il grille le feu rouge, il roule sur la voie réservée pour les bus, je ne sais quoi. C'est vrai que ne pas mettre sa ceinture, c'est une connerie, mais c'est pas une faute de conduite. C'est pas une faute de conduite. C'est un risque personnel. Je vous fais remarquer qu'il y a un avocat spécialisé qui a une martingale qui vous fait récupérer systématiquement tous vos points si vous payez, parce qu'il y a il y a un vice juridique dans l'histoire du permis à points. Il y a un mec, sa spécialité pour ça coûte 20 ou 30 000 balles, c'est vous, il récupère tous vos points systématiquement. Il a jamais perdu un procès. Il est cher. Oui, non, mais bon. Parce qu'il y a un vice dans l'histoire du permis à points, il est anticonstitutionnel. Il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est un risque personnel, la ceinture. Non, je comprends que c'est un risque personnel, mais justement, c'est pas un risque qui est inconsidéré. La ceinture aujourd'hui, c'est ta vie. Mais on ne dit pas qu'il faut pas punir. Dick Rivers, on comprenait qu'il conduit sans ceinture, c'est quand même un rocker. Non, je mets ma ceinture comme tout le monde. Ah bah alors, rebelle mais discipliné quand même. Mais bien sûr, on met notre ceinture. Et moi je trouve que c'est normal. Et mon coup de plaisante pas avec sa vie, et donc c'est logique qu'on te retire des points si tu mets pas ta ceinture. Et rapidement, mon coup de cœur. T'as des problèmes de vue, toi? Non, ça va. T'as pas de problème de vue. Non. Bon, mais pour les gens qui ont des problèmes de vue, moi, je connais un professeur. Là, j'adore faire des compliments aux gens que j'aime. Tu rappelles le restaurant, etc. C'est le professeur Agege, Alain Agege, qui est à Paris et qui a trouvé un moyen d'opérer, malgré ce que beaucoup de gens disent, on peut pas opérer la presbytie. Eh ben, maintenant, c'est de loin ou c'est de près, la presbytie? C'est de près. Eh ben, lui, pas bien de près. Non. Lui arrive, grâce à une opération, assez géniale, à faire voir bien les gens qui sont souvent myopes et presbytes, voire astigmates. C'est-à-dire qu'il leur fait un plus, c'est très compliqué, un plus un et un moins un à chaque œil, ce qui fait que ça rétablit et la vue de loin et la vue de près. Il fait tout ça au laser. C'est un type extraordinaire. Alain Agege, c'est un professeur. C'est lui qui a opéré Paul Naref, par exemple. Et qui lui a rendu la vue. Donc, je voulais simplement le dire. Donc, si on veut une consultation, il lui a pas rendu Louis, hein. Bien sûr. D'accord. Non, Alain Soral qui en a fait une bonne. Vas-y. Il lui a pas rendu Louis à Paul Naref. Hein. Oui. Bah, on jugera ça sur pièce avec son prochain album. Mais non, Paul Naref. Il n'y aura pas de prochain album. Attends, ce qu'on revient pour le moment, c'est tout ça, c'est du pipeau, ce qui nous fait voir. On est d'accord. C'est pour vendre le disque. Attends, ça. Pour vendre la compile. Non, mais la France, c'est un pays hallucinant. Ça fait 30 ans. Il a fait. Il a rien fait, Michel. Je le connais bien. Ça fait 30 ans qu'il a rien fait, qu'il vit sur son passé. Il n'en a rien à foutre. C'est parce qu'il dit. Il dit qu'il a composé, écrit des titres, content, c'est ça, mais que pour l'instant il n'est pas content de son travail et qu'il retravaille. On est d'accord. Non, d'accord. Donc il faut rien. Il a mis 5 ou 6 ans pour faire un album, lui en a mis 30. Il a peut-être des problèmes de blé, c'est peut-être pour ça qu'il va sortir un album. Il doit pas avoir de problème de droit d'auteur. J'ai dit peut-être. Ah non, de droit d'auteur non, il a récupéré, il a un avocat génial qui lui a tout récupéré. Donc il n'a pas de problème de blé. Non, mais je pense qu'il en a rien à foutre, quoi. Mais ça, il se fout de la gueule du monde en ce moment. Il se fout de la gueule de son public. Les Français sont très conservateurs, ce qui est formidable. Hein. Je veux dire, je les remercie pour ça, mais les Français sont très conservateurs. Moi, je ne connais aucun autre pays au monde qui supporterait d'entendre toujours les mêmes chansons d'un mec, aussi belles soient-elles, et qui, pendant 30 ans, le mec leur dit, ouais, je vais revenir, etc. Et les Français, ah ouais, on attend. Et je suis sûr que si un jour il vient, ce qui peut se passer, ça sera plein bourré à craquer, ça fera un événement historique. Parce que ce sera un événement historique. Il n'aura pas fait un disque depuis 20 ans. Mais parce que les médias l'auront créé, c'est vrai. Historique. C'est les médias qui créent la tente. Il y a plein de mômes aujourd'hui qui ne savent même pas qui c'est. Non, mais ça c'est une chose. Mais il y a encore plein de gens qui sont pas morts quand même et qui continuent d'écouter du Polnareff, qui sont nostalgiques. Bien sûr, Michel Polnareff. Ils reviendront le voir. Il y a même des gens. Ce que je retiens en tout cas, c'est que toi-même, tu dis qu'aujourd'hui, il se fiche de la gueule du monde, il entretient le cirque médiatique alors qu'il n'a pas l'intention de faire un album. Et donc, il se moque de ses fans. C'était en direct dans les grandes gueules et ça a été dit. Alain Soral, coup de cœur ou coup de gueule? Moi, je voulais faire un petit coup de gueule politique, là. J'en ai marre qu'on nous mette du ramadan tout le temps, là. Il y a eu encore une sorte de ramadan. Alors, ce théologien suisse d'origine égyptienne qui rêve d'aller enseigner dans une université catholique aux États-Unis. Il y avait un reportage sur lui dans Envoyé spécial. Un truc fait par un journaliste très, très, très douteux, dont le... Mohamed Sifaoui. Qui est connu. Pourquoi douteux, non? Si, il est connu comme mythomane, escroc, etc. Et je voudrais dire, un, qu'on n'a qu'à laisser ramadan aller enseigner aux États-Unis. Deux, dans les banlieues, ils connaissent mieux les marques de basket que Ramadan. C'est quand même une légende, ce mec-là. C'est les médias qui l'ont fabriqué de toutes pièces comme méchant de service. Et Nicolas Sarkozy, notamment, souvenez-vous que Sarkozy avait choisi comme principal protagoniste de son émission 120 minutes pour convaincre. Tout le monde avait été surpris à l'époque. Pourquoi Tariq Ramadan? Et c'est vrai qu'après cette émission, il est devenu une icône médiatique. Ce mec-là, moi, j'ai un très grand respect pour Ramadan, que je trouve beau mec et bon dialecticien. Il n'est pas français, il ne vit pas en France. Il n'incarne pas ni les banlieues ni quoi que ce soit. On dirait qu'on a choisi les médias, on crée un espèce de méchant qui a une tête effectivement un petit peu inquiétante parce que beaucoup de charme, etc. Pour dire aux Français, voyez, c'est ça l'islam conquérant des banlieues, cette espèce de double langage qui veulent faire de la France une république islamiste. Je pense que c'est du bidon. Ce type-là voulait partir enseigner aux États-Unis, on l'a empêché de partir puisqu'on lui a annulé son visa 8 jours avant. Qu'on le laisse aller enseigner aux États-Unis. Les Américains l'auraient pas laissé rentrer. Et une université catholique m'a filé un boulot. À la limite, qu'on le laisse aux États-Unis, comme ça, on est tranquille. Je vois pas pourquoi on nous le remet tout le temps dans la gueule. Il a été créé par les médias pour dire, voilà, ce mec met la France en danger, il est pas français, il vit pas en France, et il demande qu'à partir aux États-Unis. Je pense que, c'est du bidon. Donc, il y en a marre de nous coller cette espèce de type comme si c'était un méchant dangereux. Et je vous dis, en banlieue, les gens ont découvert avec Ramadan par les médias et par la médiatisation qu'en ont fait les pseudos intellectuels, etc. Il n'est pas représentatif des banlieues, il représente pas un véritable danger. Et donc, j'ai dit, arrêtez de nous agiter l'espèce de spectre ramadan comme un danger. Laissons ce type aller enseigner aux États-Unis. Et je pense que, et regardons réellement ce qui se passe en banlieue, quels sont les problèmes que. Moi, je suis un peu d'accord là-bas. Avec toi, effectivement. Il y en a un peu marre de l'arnaque ramadan. Voilà. C'est le Polnareff de l'islamisme. Le l'islamisme, le ramadan. Elle est bonne, celle-là. Est-ce que Polnareff est le ramadan de la musique? Cathy, bonjour. Bonjour, bonjour les grandes gueules. Bienvenue, Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour, merci bonjour, à toute l'équipe de RMC. Bonjour. Bonjour les grandes gueules. Cathy, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Du 06, des Alpes-Maritimes. Voilà. De quel endroit dans les Alpes-Maritimes? J'habite à Nice et je suis enseignante à la Trinité, c'est tout près. Bonjour à notre ville natale, à Dick et à moi. Allez-y, Cathy, pour un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de gueule. Voilà, je tenais à m'exprimer parce que je suis choquée de voir depuis quelques jours que notre société de consommation ne respecte plus rien, pas même les enfants et la magie de Noël. Alors voilà, maintenant dans les grandes surfaces, c'est les nouveaux Papa Noël qui arrivent. Alors ce ne sont plus eux qui donnent les cadeaux, qui donnent des bonbons, mais c'est eux qui sont demandeurs. Ils ne disent plus aux enfants, que veux-tu à Noël, mais tu veux faire une photo avec moi? Alors, en effet, ils sont gérés par des photographes professionnels qui ont loué cher un emplacement dans l'enceinte d'une galerie marchande et doivent donc faire du bénéfice. Et ça coûte combien ça, Cathy? Alors, la photo, c'est 10 euros au minimum, voire 16 euros dans certains magasins. Cher. Oui. Hein? Avec pantalon ou sans pantalon, le Père Noël? C'est plus cher s'il est à poil. Alors, la tenue du Père Noël et l'allure du Père Noël, des fois, est un peu à désirer. Mais le plus choquant, c'est pas la photo. Le plus choquant, c'est que ce soit le Père Noël qui dise aux enfants, Oui. Qui soit vraiment le Père Noël eux, fait de la quoi. Retape auprès des enfants. Et le Père Noël voilà, est aux 35 voilà. heures maintenant en plus. Hein. Alors, c'est-à-dire que vous ne l'aurez pas la nuit de Noël. Comme ça, c'est pas un an. Écoutez, Cathy, qui termine. Même elle ne sait pas vraiment comment, en fait. Bon, il loue l'emplacement, hein, ouais. Et puis après, c'est le photographe qui décide, peut-être que le Père Noël est payé en fonction du nombre de photos, hein. Le Père Noël est vraiment une ordure. Par le photographe. Oui, là, c'est une, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi. Je dis, 10 euros. De la photo. Ouais, 10 euros pour faire, à mon avis, le pourcentage. 10 euros pour faire une photo sur les jeux du Père Noël, ce qui prend à peu près 50 secondes pour faire la photo. Ça bon marque après 10 minutes sur les genoux du Père Noël, tu peux faire un procès. Alors, mais tiens, non mais. Ah, j'en étais sûr. Oui. Rigole. Tu sais ce qu'ils ont fait en Angleterre? À Londres, ils ont mis des caméras. Ils ont installé des caméras dans les centres commerciaux, des caméras qui visent précisément les endroits où les Pères Noël font des photos avec les enfants pour éviter justement qu'il y ait des tripotages ou quoi que ce soit. Et plainte pour tripotage. Ils sont surveillés. Quel monde 8 ans. C'est n'importe quoi. On est persuadé que les Pères Noël sont des pédophiles en puissance. C'est quand même hallucinant quand même. J'ai un sponsor. Ça devient. Je suis écœuré. Coup de gueule, coup de cœur pour Jacques Maillot. Un coup de chapeau à deux parlementaires, Paul Quillet et François Long, qui viennent de demander... Deux socialistes, c'est bizarre encore. Hein. Pourquoi c'est bizarre? Vas-y, ça serait deux UMP, ça serait deux UDF, j'aurais exactement le même coup de chapeau. Ils viennent de demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ce qui s'est passé exactement à Abidjan. Parce que là-dessus, on a la version de Gbagbo et de son équipe, on a la version du général Poncet, bien sûr soutenue par Ali Omari. Je crois qu'on a besoin d'informations, la vérité sur ce qui s'est passé le 9 novembre à Abidjan. Et je trouve que c'est une très bonne initiative. J'en prends vite sur la Côte d'Ivoire aussi quand même une bonne nouvelle, parce que toute la presse d'opposition avait été muselée au moment des événements, et il y a à nouveau 6 quotidiens d'opposition qui reparaissent à Abidjan. Ce qui semble indispensable, parce que Monsieur Gbagbo, toute la manipulation de Gbagbo, quand il était le leader de l'opposition, c'était vraiment un démocrate. Depuis qu'il est au pouvoir, il a vraiment rompu avec la démocratie. Le c'est pas spécialement africain. Hein, non, malheureusement, ça arrive souvent. Où ça? Bah rien, je sais pas, à toi de chercher, à toi de trouver. Alors, la manière dont il bazar le bébé. Non, c'est spécialement en Afrique quand même, je suis désolé. Oui. Enfin, de toute façon, si on est viré de Côte d'Ivoire par les Américains, il faut avoir le courage de le dire. Depuis que l'URSS est tombé, cette zone du Nini, qui était l'Afrique qu'on laissait aux anciens coloniaux, eh ben les Américains veulent tout, on partira de là-bas, on partira de Madagascar, voilà. Parce que l'URSS a disparu, n'est-ce pas, Monsieur Maillot? Voilà une analyse géopolitique de Soral. Tiens, eh ben, un compliment pour Dick d'Olivier. Il se fait complimenter. Bravo, Dick. Au moins, il se marre et ça balance sec. C'est à propos de Paul Naref. Olivier Truchot. Allez, coup de vérité, Dick, dans coup la cœur, grande... Dick est véridique. Coup de cœur à cette étude révélée ce matin par le Parisien. Finalement, les motards ne sont pas les si mauvais conducteurs qu'on voudrait bien nous faire croire. C'est une étude qui bat en brèche de nombreuses idées reçues sur le comportement supposé dangereux des conducteurs de deux roues. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout d'abord qu'un accident sur deux, c'est la responsabilité des automobilistes qui est mise en cause. Dans 70% des cas, les automobilistes n'avaient pas vu la moto, donc c'était un peu embêtant. La plupart du temps, ce sont des erreurs de conduite donc imputées aux automobilistes, et les deux roues sont, a priori, et c'est la conclusion de l'enquête, plus prudents, et c'est normal. Parce et que surtout, Moi, motard depuis plus de 20 ans, les dégâts physiques proviennent souvent de l'inadaptation du mobilier urbain. Il n'y a aucun respect pour les motards. Les bandes blanches de passage cloutées sont toujours aussi glissantes sous la pluie, on ne fait pas d'efforts. Et quand on se casse la gueule, on se fait souvent blesser par les... Notamment, je ne parle pas des rails d'autoroute qui sont des tueurs de motards. Vous savez, le vrai problème du motard, c'est que visiblement, le pouvoir public, on pense beaucoup aux automobilistes et le motard est le parent pauvre. On choisit jamais le mobilier urbain pour le... Et là, les espèces de boudins qu'il y a autour des feux rouges qu'on a mis partout à Paris, c'est un tue-motard, ça. Vous voyez, quand vous arrivez le long de la bagnole et que vous arrivez au feu rouge, il y a cet énorme double boudin en pierre qui vous éclate le bas moteur. D'accord, Alain, d'accord. Je termine parce qu'il m'a coupé la parole. Simplement pour dire que vraiment l'idée reçue est tenace. Ouais. Le délégué à l'interministériel à la sécurité routière, Rémi Hetz, réfute l'étude en disant que c'est une étude qui date d'il y a 4 ans et qu'il n'est pas... persuadé que les motards moi, soient, je suis un peu d'accord soient plus prudents le mauvais motard est un motard mort, je suis désolé, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Non, tout pas à tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec Rémi. Tu sais qu'il y a trois motards ici, trois personnes qui roulent en deux roues, c'est-à-dire Alain, Olivier et Jacques Maillot. Et je vais voir ce qu'en dit Dick. C'est parce que si on dit que dans 70% des cas, les automobilistes n'ont pas vu la moto, c'est aussi parce que c'est difficile de voir le moustique arriver. Et la moto, elle arrive par ta droite. Souvent, elle n'a pas forcément le feu. C'est rapide et elle est aussi dans l'angle mort. Et les motards, je continue de le dire. L'angle mort, ça n'existe plus. Si, dans les rétroviseurs. L'angle mort, ça n'existe uniquement pour les automobilistes qui savent pas regarder dans les rétros. C'est pas vrai. Ah, Olivier, non, c'est pas vrai. Non, il y a un angle mort. Tu as trois rétroviseurs, il faut utiliser les trois rétroviseurs. Le problème, c'est que les automobilistes n'utilisent qu'un rétroviseur. Non, c'est pas vrai. Il y a un angle mort. Le problème, c'est que les motards doublent à droite aussi. Ils se faufilent. Dick, t'es pas d'accord avec moi? Complètement. Mais bon, mais non, bah, attends, moi je ne fais pas de moto. Je ne fais pas de moto. Fais dire ce qu'on veut aux études et aux sondages. Mais comme je rajeunis de jour en jour, il est fort possible que d'ici quelques années, je fasse de la moto. Si tu veux circuler à Paris, c'est la seule solution. Ouais, mais depuis que, enfin, avec ce qu'a fait Delanoë, là, tous les espèces d'obstacles qu'il a rajoutés au sol, c'est devenu très très dangereux pour les deux roues, parce qu'on s'est fait pousser sur les espèces de bourrelets, etc. Moi, j'ai eu deux accidents en un an que j'en avais pas eu depuis 20 ans, à cause de des espèces de pièges qu'on a partout. Ah oui, le truc du milieu, là. Oui, les bourrelets. Si les bagnoles vous poussent dessus, vous pétez la gueule. Et on dit pas à quel point les coursiers ont des accidents à cause du chamboulement complet des rues de Paris. Et c'est vrai que moi, en tant que motard, j'aurais poussé un coup de gueule. Veut plus de sur le... Non, mais en tout cas, c'est... il pourrait laisser les motos rouler. Or, en fait, il nous empêche veut... de rouler non, aussi. Il ne veut pas de roulant. Il nous a mis pas mal en danger. Il est contre les roulants. On devrait pouvoir utiliser les couloirs. Comme ça, on n'aura aucun problème. Dick, il roule en... toi qui roules en 4x4 dans un gros 4x4, c'est un 4x4. Un 4x4, c'est un SUV Cadillac. Excuse-moi, c'est un. Ça pour renverser la un SUV Cadillac, tu fais de la pub en plus. Un gros machin. C'est pratique. En ville, dans Paris, ça tue les voies, les motards, tu arrives à bien manœuvrer, à bien rouler. Non, c'est vrai que les motards, il y a un angle mort quand on veut une nous. Il y a un angle mort. Bah, le 4x4 dans Paris, c'est déjà. C'est pas un 4x4. C'est une Cadillac. C'est moins gros qu'un espace. C'est un truc de frime. Ah, pas du tout. Mais il roule. C'est un truc de con. Ça lui fait plaisir. Ah, mais j'ai le droit de lui poser une question, Jacques Maillot. Dis pour la liberté. Oui, dis. Ah, bah alors laisse-moi parler. Dis que pour le confort. Voilà. Jacques Maillot. Dis que pour le confort. Alain Soral, Dick Rivers, Olivier Truchot, Madame Roselyne Bachelot vient d'arriver, lunettes noires, étole blanche, je regarde, étole blanche sur les épaules. Très jolie, sobre, simple mais de bon goût, Madame Bachelot en pantalon, tenue sombre. Un mot sur Roselyne Bachelot que nous allons accueillir avec Olivier Truchot de la part des grandes gueules dans un instant. Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes...